toi dans la gaieté. C'est Gapen Dance qui fait toi pleurer. Quand elle dit fait oublier tous sa grain. Allo bouge tous les reins. C'est gala pour faire toi passe tout la fin. Mette la soie dans tous les gays. Vini danser, pas besoin de bé. Ici c'est grâce à nous dansons en frais. C'est comme ça. De Paris à l'île aux Cés. C'est grâce à nous dansons frais. C'est ça, c'est ça. De Paris à l'île aux Cés.